n'allons pas refaire d'inutiles prières. Gardons-les pour demain. C'est la même peine, mais ce n'est pas la peine. La peine se cache comme il faut. C'est juste une autre nuit qui ne fait aucun bruit. C'est juste la nuit. Comme du sable, ma vie s'égrène.